Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Hello, bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, 2 heures de mix non-stop le vendredi et le samedi soir. 2 heures, tout ça rien pour vous. Et mixé par moi-même. Bonne soirée à vous. Ludo in the Mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Oh, is just another show, another story to be told. I'm foolish, I believed you, but now I know. Don't try to impress me, I know you're intending to hurt me again. You look like a vision, but now I'm beginning to see through the haze. Don't be so fake. Heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right, you're right. Le mix de Ludo. À l'instant, c'était Imani. Don't be so shy. Bonne soirée à toutes et à tous. Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. On est vendredi. Makes me de Ludo. Stand up! Let me see your hands up! It's a really time to play. All the girls all over the world. Now, it's a really are your time for play now. Sir, the party. Yes, man. We did the dance. All the girls. Do not just sing. It's a worldwide thing, you know. You got to feel this, man. In the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. The Mix. Se vuelve loca con el la la la la la. Está en su nota y la digo. Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't want, teeny weeny, shriveled little short dick. In the Mix. À 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Another one Bonne soirée à vous, salut le mix de Ludo qui vous emmène. On a encore plus d'une heure à passer ensemble, jusqu'à 23h. On est vendredi, et le vendredi, aussi tout est permis, mais le vendredi, c'est le mix de Ludo, à partir de 21h jusqu'à 23h, et le samedi, à partir de 22h jusqu'à minuit. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir, sur Sorgi FM. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le mix de Ludo. Ludo in. Sorgi FM. Sorgi FM. Pardon, j'étais en train de chercher mon jingle. Allez, bonne soirée à vous. Ludo qui vous emmène. Sorgi FM. Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgi FM. de Ludo. Sur JFM. Sound of hurling hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. I see your lipstick. I wanna, ooh, I wanna kiss it. I see.

Ludo in the Mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. FM. Tanger FM. Le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo. Bring that ass back like a boom boom. Bat like a boom. Le mix de Ludo. Tanger FM. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare et puis tu bouges tes cheveux. Come on. bouger comme une balle encore ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire. Tu m'as dans la voix, le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau. Baila, baila, oh. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Dos, tres. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, encore pour plus d'une demi-heure. Notez le mix de Ludo, c'est le vendredi à 21h et le samedi à 22h. Et tout ça sur Sorgie FM et nulle part ailleurs. À l'instant, Kenji Girac avec Andalouse, le remix. Allez, jingle. Il peut pas y aller. Oh, bah. Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Vous ne m'avez pas. FM. Le mix de Ludo. Listen to Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Voici une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, enfin demain, non pardon, demain, demain samedi. Comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve demain à partir de 22h jusqu'à minuit pour une autre édition de une nouvelle édition du Mix de Ludo. D'ici la bonne soirée. Sinon, si vous n'êtes pas là demain, bah rendez-vous vendredi prochain. 21h, 23h. Derita Mitsuko à l'instant, c'est comme ça. Grand souvenir des années 80. Le mix de Ludo. Allez, terminons ce mix avec Michael. Reprise de The Beatles qu'il avait fait. Voici Come Together. Bonne soirée à vous, à demain.